J'ai revendu ma moto, ça n'a rien de rigolo. À cause de la vignette, roule en patin à roulette. La politique aujourd'hui est à l'économie. Et même dans les voitures, il faut serrer la ceinture. Je comprends pas. Je comprends, je comprends, je comprends pas. Hey, dis-moi pourquoi le monde tourne à l'envers. Je n'y comprends plus rien, à quoi sert tout ce cinéma. La bande est au disco, je te fais le rock and roll. Même si c'est pas nouveau, c'est pas une musique de folle. J'ai cœur et Hallyday doivent se tendre de rire en écoutant chanter la grosse voix d'un monde à lire. Je comprends pas, je comprends, je comprends, je comprends pas. De travers, les fils prennent pour des mecs et les mecs pour des nanas. Hey, dis-moi pourquoi le monde tourne à l'envers. Je n'y comprends plus rien, à quoi sert tout ce cinéma. Le gouvernement dit, il faut faire des enfants. Avec ma petite amie, j'ai fait ce que j'ai pu.